soudé dehors. Bon enfant, des gestes excessifs, une voix un peu lente. Dardenne, c'est le Gainsbourg de la politique. Les gens s'imaginent que je suis toujours sous. Et c'est pas vrai? Ah non, pas du tout. Pas plus que d'habitude. Croyez-moi, la réflexion est toujours de mise. En fait, moi je suis un gaucher profond. J'écrivais comme ça, vraiment profond. Et il m'en est resté un problème majeur, C'est vrai, atypique, controversé. Dardenne, c'est le Gainsbourg de la politique. Contre toute attente, tout le monde me donnait battu. 4% de plus. Et c'est extraordinaire. En fait, j'ai réalisé un score qu'on n'avait plus entendu depuis 20 ans. Ces grands accords exceptionnels. C'est ma logique présidentielle. Ces grands accords exceptionnels. Ces grands accords exceptionnels. C'est ma logique présidentielle. C'est extraordinaire. Pour ça de plus. Et c'est une question en lui-même. Pas plus que d'abord. Et c'est une question en lui-même. Pas plus que d'abord. Dardenne, c'est le Gainsbourg de la rue. C'est extraordinaire. Je suis un grand démocrate. Je suis un grand démocrate. Je suis un grand démocrate. Je ne peux pas encore les députés. Je ris avec tout ça. Il veut un grand accord. Dardenne, c'est le Gainsbourg de la politique. C'est dégoûtant, il a vu que c'est dégueulasse avec des dramas.